Des têtes, il y en a de toutes sortes. On lira par exemple la physiognomonie de l'avatar. En forme de boule, en forme de fruit. Et toutes ne roulent pas de la même façon lorsqu'elles sautent hors du col. Un homme fut admirablement placé pour le savoir, Fernand Meissonnier, exécuteur des hautes œuvres à Alger en 1956. Une tête, c'est un monde, dit le photographe Henri Meunier, portraitiste des écrivains célèbres. Chacune porte inscrite sa propre histoire. L'un d'entre eux le savait bien, lui aussi, qui aurait échangé tous ses livres contre une bibliothèque de visages. Continuer à respirer, même sans musique, car la musique ici adoucit les meurtres. Et laisser son esprit travailler, se souvenir que la France abolissait la peine de mort seulement en 1981, 10 ans tout juste avant cette émission de l'atelier de création radiophonique par Serge Sanchez et René Farabet. ACR, Atelier de création radiophonique. La tête dans la lunette. La radio comme espace de liberté. Toute voix peut s'y faire entendre, mais aussi s'expose, dans sa nudité et sa faiblesse, à la conscience critique de celui qui écoute. Auditeur, si tu es choqué par la crudité de certains des propos qui vont suivre, ou encore par l'idéologie à laquelle ils se réfèrent, continue à respirer et laisse ton esprit travailler. La tête dans la lunette. Par Serge Sanchez, René Farabet. Avec Fernand Meissonnier, ancien exécuteur des hautes œuvres. Oui, j'ai mis la tête dans la lunette, mais il n'y a pas de lame. Oui. Et Carline Binet, Henri Bouilly, Angelo Di Marco, Louis Monnier, Thierry Chailloux, François Foucard. Texte, Alaire au Carpentier. Genet, Jouandeau, Lavater, Lassner. Avec Pierre Clémenti, Jean-Pierre Calfon, Jean Lescaut, Jean-Pierre Sentier. Bruant, Damia, Fréhel. Percussion, Patrice Chazal. Groupe de réalisation, Marie-Dominique Bougot, Cyril Bécu, Nathalie Fado, Michel Mestre, Stéphane Poitevin, Viviane Vandenbroek. La tête dans la lunette. Je suis né en Algérie en 1931, le 14 juin. Et mon père était exécuteur de criminel. Et mon parrain, André Roch, est une grande lignée d'exécuteurs. Oui, donc très tôt, vous avez été. Oui. C'est pas quelque chose qu'il a découvert, donc il vous était. J'étais tout jeune, j'ai entendu mon père et des amis venir le chercher, ou la police, lors d'une exécution. Et la première exécution que j'ai eue, c'était en 1948. Est-ce que les choses ont changé? Enfin, ça se passait de la même manière à ce moment-là que... Mais aucune exécution est la même. C'est comme une pièce de théâtre, il y a que les acteurs qui changent. Mais ça change constamment, ça change constamment. On peut avoir un criminel, il veut bien se comporter, il tombe dans les pommes, il se débat, il veut mordre, oui. Il se fait dessus, il se trouve mal. Donc, ce qui m'a marqué le plus, c'est une femme, Madeleine Mouton, là, oui. Ça, parce que c'est. Elle a poussé des cris, elle a demandé à ses enfants, elle a perdu connaissance, et est obligée de la réanimer. Qu'avait-elle fait? Elle avait empoisonné 11 personnes. Sinon, j'ai fait beaucoup d'exécutions, mais c'est surtout des terroristes. Voilà. Surtout à partir de 1956. Vous avez commencé à quelle époque à pratiquer ce métier? À partir de 1948. J'ai assisté, mon père, mais j'ai été nommé en 56. C'est vous qui avez demandé à être nommé? Ah oui, c'est moi. Comment ça se passe? On postule? Non, je suis pas, on n'est pas obligé. Oui. Seulement si vous avez déjà une, comme fonctionnaire à 23 ans, 24 ans, soit de fonctionnaire. Hein. Oui, c'est ça, c'est un cycle normal. Mais je ne suis pas obligé. Naturel, oui. Le fils Rock, le dernier exécuteur Rock, avait 4 filles, dont 5 filles et un fils. Le fils n'a pas voulu être exécuteur. Mais en principe, c'est très rare. Il est exclu que ce soit les filles. Non, pas de filles, non. Pourquoi? Jamais. Il y a eu des cas en France, mais en Algérie, jamais. Il y a eu des cas en France de... Oui, j'ai eu des archives. Il me semble bien qu'il y avait une femme exécuteur. Oui, mais je crois qu'il faut préciser que pendant très longtemps, et pratiquement jusqu'à la Révolution, la plupart des exécuteurs n'exécutaient pas. C'est-à-dire qu'ils étaient confinés à des petites tâches, en général très modestes, puisqu'il y avait pratiquement, j'allais dire, un bourreau par village. Et ils se contentaient d'enfouir les cadavres de bêtes mortes. Il y avait beaucoup de chevaux à l'époque. Bon, de temps en temps, ils avaient de la charge de s'occuper des peines accessoires, c'est-à-dire de marquer au fer rouge, par exemple un bagnard, éventuellement de fouetter, mais la plupart des exécuteurs n'exécutaient pas. En fait, quand il y avait une exécution dans une ville, l'exécuteur de cette ville faisait appel à ses confrères de la région voisine, qui la plupart du temps n'avaient jamais pratiqué une exécution capitale. Et puis alors évidemment, tout a changé à partir de la Révolution, où il y a eu toute la période de la guillotine. D'ailleurs, on connaît surtout la guillotine révolutionnaire, mais quand on regarde les archives ensuite criminelles du 19e et du 20e siècle, la guillotine a été chez nous très utilisée. Moi, j'ai retenu un chiffre. Entre 1910 et 1914, 80 exécutions en France, c'est-à-dire 20 par an. Tout de même pas mal. Vrai. Et en Algérie, j'ai eu 30 dans le mois. On en faisait pratiquement un par jour. Il y a des fois 4-5, puis après 3 jours. Mais c'est curieux, c'est que on recevait un papier de Paris. Telle personne, Rachid, un tel, a exécuté. On est à Oran. Un exécuté, il y avait 300. À peu près 300 à Oran, 300 à Alger, 300 à Constantine. À peu près. Avant que la grâce de Gaulle. Chaque exécution, 10-15 grâces. Moyenne. On retournait à Alger, le lendemain retournait à Oran, encore une exécution. Donc, c'est curieux, c'est que, à mon avis, il faisait au pifomètre. Je crois aussi que ce qui a eu beaucoup, c'est que sous couvert de combats politiques à l'époque de l'indépendance de l'Algérie du FLN, il y a un grand nombre de condamnés qui en fait étaient des bandits de droit commun qui violaient, pillaient, tuaient, égorgeaient. En fait, c'est ça. Il y a des cas. 95%, ils ont empalé des enfants de 4-5 ans, ils les ont égorgés. Il y a un cas, j'ai les archives, ils sont rentrés dans une ferme, il y avait le père qui avait 60 ans. La mère, une fille de 20 ans et un garçon de 14 ans. Ils se sont fait servir le café par la mère et la fille. Ils ont violé la mère et la fille devant le père et le fils. Et ensuite, devant la mère et la fille, ils ont égorgé le père et le fils. Alors, ils ont enlevé une bague, une alliance. C'est pas du terrorisme. Pour moi, c'est des droits communs, des vulgaires droits communs. Autour du poste et sur la dune, le sable est tout ensanglanté. Au bout d'une lance, au clair de lune, un débris humain est planté. Au bout d'une pique se balance la tête pâle d'un voyou. Les salopards ont leur vengeance à des blaireaux lits près du cou. Derrière la clique du bataillon d'Afrique, suit tout le gratin du pavé parisien. Pantin, Belleville, qui défile dans le sirocco maudit, tout en gueulant pampan l'herbie, tout en gueulant pampan l'herbie. Thank you. en gueulant pompant l'armée, tout en gueulant pompant l'armée. Les brutaux comparés aux sauvages. Ils ont les cheveux épais, roux, les joues velues, le dos couvert de poils, les épaules élevées, les pieds courts et gras, les ongles crochus, étroits et longs, les doigts courts et gros, les yeux pairs de couleur safran, les sourcils rassemblés et conjoints. Les scélérats accomplis. Les prunelles sont inégales. Elles semblent tourner dans leur orbite, ou bien les yeux sont tournés et les prunelles se rapprochent sur les angles intérieurs. Elles sont tachetées de noir et de rouge. Sinon, comme exécution, moi j'ai pas assisté, c'est en 38, c'était une exécution qui a fait beaucoup de bruit, c'était un Israélite et deux Arabes. Seule chose, c'était très rare. Un Israélite, il escroque et tout, mais le crime de sang, c'est très très rare. Et là, il avait assassiné un Aubertin, un mutilé de guerre qui était demi-paralysé. Et il avait, lui, c'était son comptable, Zawi. Il avait fichu 3-4 balles, il a tiré 3-4 balles à la colonne vertébrale. Il a mis la voiture contre un arbre, il a mis le feu, et en a enterré Aubertin. Et c'est le frère, qui était médecin en France, qui est venu, qui a demandé à faire une autopsie. Ils ont vu des traces de balles. Et là, on s'est aperçu qu'il devait 100 000 francs à l'époque à Aubertin. C'était lui qui avait tué le... Les hommes belliqueux. Ils ont la bouche grande et la voix sonore. Alors, c'est la dernière exécution après Véman, en Algérie. Elle a été devant la porte de la prison d'Oran. Il y avait... une dizaine de mille de gardes mobiles, de légionnaires. Il y avait une foule énorme, 25 000 personnes autour de la prison. Et il y avait eu, c'était le père Roch qui exécutait, qui était en chef. Et il y avait une corbeille. Il y avait le mufti et le rabbin qui s'accrochaient parce qu'ils ne voulaient pas faire mélanger le sang de Zawi avec les Arabes. Du racisme. Le genre 38. Hein. Et un amour. Oui. Et le perroc a dit, moi j'ai qu'une corbeille pour tout le monde. Tout le monde passe à la même corbeille. Voilà, c'est tout. Et Zawi a dit, je meurs innocent. Et, mon père attaché honorait mes blessures de guerre de 14-18. C'est tout. Les gens rudes et grossiers comparés aux pourceaux et aux ours. Ceux-ci ont la tête plus grande qu'il ne convient, la couleur des cheveux d'un blond argentin, le front étroit et charnu, les oreilles rondes et sans contour, petites et droites, le nez mal proportionné et allongé de travers sur la face. Et puis après, il y a eu un autre israélite qui était Twitou, qui était condamné à mort, deux fois condamné à mort, mais il a eu la chance d'avoir assassiné que des juifs. Parce que un riche de famille. Et il l'a attrapé bêtement. Et il avait volé un stylo au bon marché. Et l'empreinte du stylo, on l'a arrêté dans la rue. Et l'empreinte du stylo, ils ont trouvé que c'était lui qui avait fait les deux crimes, ces vieilles juives, des parents de la famille. Et le rabbin a été trouvé la famille. Vous voyez, ça fait moche pour eux. Ils ont demandé, les parents de la victime ont demandé la grâce. Ça a été voir, je ne sais pas si c'était Auriol, ont demandé la grâce et étaient graciés. Voilà. Voilà. Les hommes de mauvais naturel. Ceux-ci ont le nez obliquement placé sur la face, le visage difforme, petit et couleur de safran, ils n'ont point de barbe, ils ont la parole lâche, les épaules exténuées et leur sommet pointu. Sinon, après, c'est que Yvetot, comme Européen, Algérie. Alors, et pas du tout, Yvetot, ça pas du tout. J'ai vu des journaux où on dit que Yvetot est mort avec courage, c'est assez, et qu'il aurait dit, ma vie importe peu, mais l'Algérie, ce qui compte, c'est l'Algérie est libre. Vive l'Algérie libre. J'ai pas dit ça, c'était Il était condamné ce jour-là, il était exécuté avec deux indigènes. Et c'est l'avocat Maître Léné, l'albinos, mon père, un avocat Alger. J'étais à un maître, on a déjà attaché, il dit tu meurs, c'est à cause d'opinion publique. Tu es pied noir et tu as fait ce crime-là. L'opinion publique. Alors à trois reprises, Yves Thon a répété, l'opinion publique, il était un peu essoufflé, on voit, pas très pâle. Et mon père a dit, ils entendent l'exécution, ces trois, de le faire passer le premier, qu'il ait moins à souffrir. C'est tout. Le curé est venu, il dit, est-ce que secours la religion? Non, libre penseur. C'est tout. C'est drôle, c'est que mon père connaissait un peu le père d'Yves Thon. Connaissait un peu, comme ça, de vue. Et j'ai des cousins qui jouaient, il habite au Clos Salmier, il jouait aux cartes avec lui. C'est un communiste acharné. Un jeune communiste acharné, et il pensait, il avait cette, au communisme, et il avait mis une bombe dans les placards de l'usine à gaz. Et c'est un collègue à lui qui a entendu le tic-tac de cette bombe. Il a vite appelé la police, on a ouvert le placard, on a trouvé la bombe. Et c'est uniquement pour ça, parce que c'était un indigène, certain qu'il ne passait pas. Mais là, c'était l'opinion publique, c'était horrible. C'était comme un Français qui met une bombe. Le méchant. Son visage est difforme, ses oreilles étroites, sa bouche mince et longue. Il a les dents canines aiguës et sortant en dehors. La parole prompte, surtout si la voix est grêle. Ou bien il parle du nez ou il articule difficilement. Un visage est sans cesse renouvelé, c'est un monde. Enfin, les visages, on se lasse pas de photographier des visages. C'est absolument infini. Quand je rencontre quelqu'un que je dois photographier, j'adore avoir un contact avec lui et ça, gratter un petit peu pour savoir ce qu'il a dans le crâne. C'est une espèce de, quand même, un travail de morphologue. C'est arriver à connaître la personne par l'intermédiaire de sa tête. Les homicides. Leurs sourcils sont épais et se joignent au milieu du front. Leurs yeux sont à fleur de tête, secs. Les globes inégaux, le blanc est terne et pâle. Si je n'étais pas devenu tellement lâche, pour avoir toujours sa menace, frôler mon cœur et ton sein nu, je te tuerais comme une chienne, gueuse qui m'a perfidement trompée pour un nouvel amant, sans même qu'un remords te vienne. J'y plongerai dans ton sein nu qui tousse les tentes, la lame rouge et tremblotante du premier coup de la venue, et je crèverai de piqûres tes yeux au regard caressant de filles appelant les passants le long des ruelles obscures. Un dimanche, le 1er décembre 1956, Desnoyers, curé du RUF, demanda à Régine Feiss, enceinte de ses œuvres et qui n'était pas loin de sa délivrance, qu'elle vienne le rejoindre dans la campagne auprès d'un calvaire. Comme elle va s'y rendre, une de ses sœurs, la voyant toute chancelante, propose de l'accompagner. « Non, répond Régine, j'en ai pour trop longtemps. Elle ne devait jamais revenir. » Le prêtre. Il était 18 heures à peu près. Régine était debout devant le calvaire, je lui ai fait signe de ma voiture, elle y est montée et j'ai pris la route qui va vers Plagny-la-Blanche-Côte. Nous avons roulé l'espace de 2 kilomètres et puis j'ai fait halte derrière une haie d'arbustes. « Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment ?» demande le juge. J'ai dit à Régine qui était assise à côté de moi, « Je vais te donner l'absolution. » Et j'ai ajouté, « Est-ce que tu me pardonnes ?» Elle a murmuré, « Oui, je te pardonne, mais je ne veux pas de ton absolution. » J'ai insisté. Alors elle a haussé les épaules avant de descendre de voiture. « Tu m'ennuies, je rentre à pied. » Elle a fait quelques pas, me tournant le dos. Je l'ai appelée de nouveau, sans succès. Alors je suis descendu à mon tour. Elle arrivait près de la haie d'arbustes quand j'ai tiré. J'étais à 1 mètre d'elle. Après, comme elle est tombée sur le dos, les bras en croix, « Vous vous êtes agenouillé. Oui, il se cache le visage. Les perfides. Leurs lèvres inférieures sont déliées et enflées autour des dents canines. Ce qui me frappe le plus chez donc le curé du Ruf, c'est un refoulement de son affectivité et de sa sensualité qui est extrêmement forte, hein, et qui s'accuse, enfin qui est beaucoup plus accusé dans les photos de lui âgé. Pour ceux, si vous regardez, donc la partie médiane du visage autour du nez est assez reculée quand il est jeune et elle est complètement encavée quand il devient âgé. Pas les ailes du nez, hein, la partie qui est entre le nez et les pommettes, que la plupart des adultes ont relativement creusée et qui est le signe d'une éducation et d'une intériorisation de l'affectivité, donc en fait du développement du moi. Et la même chose, on le repère sur une bouche. Vous voyez, il y a un contraste donc chez ce curé jeune, d'une bouche qui est très grande et en même temps très serrée, très retenue, comme les cordons d'une bourse qui n'auraient pas le droit de s'ouvrir. Je les brûlerai d'un tison, tes lèvres roses, tes lèvres qui disent des choses où somnole une trahison. Et je balafrerai tes hanches, tes flancs et leurs duvets cendrés, de quelques croix de Saint-André, faisant sillon dans tes chairs blanches. Il se cache le visage. Et puis, je ne sais plus, je dois être un monstre. Penché sur le corps de Régine, vous l'avez dévêtue et à l'aide d'un couteau, vous avez pratiqué dans son ventre une césarienne monstrueuse qui vous permit d'extraire l'enfant du cadavre de sa mère encore tout chaud. Oui, mais je le jure, je n'ai pas coupé le cordon ombilical. Comment se présentait l'enfant ? Il n'a pas crié. Il avait seulement les yeux grands ouverts sur moi. Alors vous l'avez baptisé et poignardé dans le dos avant de lui taillader le visage pour le défigurer. Oui. Desnoyers, plus connu sous le nom de curé du Ruf. Il assassina sa maîtresse et l'enfant qu'elle attendait de lui. Condamné à une peine de prison, il a été libéré et vit aujourd'hui dans un couvent. La pendaison. La pendaison, je... Et... C'est l'idée. La guillotine, une tête tranchée. Mais c'est, je pense que c'est le plus rapide et au moins de souffrance. Il y a moins de mise en scène. Comment ça se passe, en fait, réellement, une exécution ? Donc, au départ, vous étiez contacté par l'administration, chez vous. Enfin, on vous envoyait un courrier qui spécifiait le... Pour le recourir au jeté. Ça, vous oui, parler. C'est ça. Oui, le procureur. On voyait un papier à mon père. Et puis... on décidait, si c'était mettons, en Tunisie, d'aller. Mon père, c'était en certain temps, c'était en wagon plombé. Après, on a préféré aller en camion et en voiture particulière. Et puis, mon père décidait, c'était le lundi ou le mardi, mercredi. Il aimait le mardi, mercredi, jeudi. Parce que le vendredi, c'est une fête musulmane, le samedi, juive, et le dimanche. Donc, on le faisait entre mardi, mercredi, jeudi. Il y a trois jours. Et puis... C'est faux de dire hors d'exécution à 3 heures ou à 2 heures. C'est mon père qui fixait à 3 heures du matin, le lever du jour, il n'est pas 3 heures du matin. Oui, c'est lui qui décidait de l'heure du jour. Oui, jusqu'à maintenant. Il dit au procureur, je suis prêt, allez, on va le réveiller. Mais c'est pas du tout comme dans les films, vous voyez, j'ai vu des films d'Alain Delouche, les vents viennent comme ça, à plein feutré, vous voyez, en pantoufles. Alors on s'imagine que toutes les exécutions, c'est pas du tout ça. Certains, ils prennent pas de gants, ils rentrent dans la cellule, et d'un coup, les verrous, ça fait un vacarme. Hein. Et en dedans, et certains gardiens, ils fichent à la volée tout le monde, à coup de poing, pour réveiller. Des fois, ça dépend, parce que vous avez arrivé... Une fois, c'est qu'un condamné avait affûté, il avait une boîte de sardines, vous voyez, le couvert d'une boîte de sardines. Il avait affûté sur le ciment, comme on s'était débrouillé ça. Et il avait ça comme un rasoir. Hein. Les gardiens se sont approchés, il a ouvert un bras, un gardien. Alors depuis, nous on va dans les cellules, comme ça, mais on ne fait absolument rien. On donne une paire de menottes au temps du perroque, on entravait à la ficelle. Le, mon père achetait des menottes, il les donnait au gardien. On lui mettait les menottes dans le dos, c'est fini, on est déjà en sécurité. Parce qu'il ne pouvait rien faire. Il arrive devant au greffe, s'il a les mains libres, il prend un tabouret à toute volée, il tue un type. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez pas l'abattre à un coup de pistolet. Donc, il faut se méfier. T'es toujours entravé? Ah oui, tous sont entravés. Mon père mettait une ficelle de pêche en chambre, oui, une ficelle de pêche. Donc ça cisaille, hein. C'est pas une grosse corde forcée. J'ai vu à Londres, là, j'ai été l'exécuteur de Londres, m'a fait voir une ceinture c'était un espion anglais, un colosse. Ils ont mis les mains, c'était des bracelets en cuir, et une grosse ceinture en cuir, là, c'est. Et bien là, le gars, et pourtant dans le dos, hein, il a tellement forcé. Il a déchiré le cuir qui était presque un demi-centimètre d'épaisseur. C'était incroyable. La force. C'est lassé aux jambes, aux bras, cette chemise déchirée, ce cou mis à nu, afin d'offrir des facilités au couteau. Ah, ils disent que la torture est abolie. Est-ce fait? Oui. On lève l'écrou, Lassner est libre. Il sort de prison et me voici dans la voiture. Je me sens les extrémités froides. J'ai un carillon dans la tête. Oh mon Dieu, quel tapage! Ce sont les roues. Et où vais-je? Juste ciel, où vais-je? Mais cela n'est pas possible. Je ne vais pas si vite pour être tué. Un chaos qui brise l'équipage et une pierre qui m'ouvre le crâne. Voyons, voyons, mes idées tourbillonnent. Je n'en peux retenir aucune. Et j'arriverai avant que de savoir de quoi il est question. Puis des étonnements, des cris de surprise et d'horreur. Fi donc du calme. Une idée, une seule qui serve de canne à mes jambes, dont les os me semblent ramollis, de flambeau à mon intelligence, où il fait un noir affreux. Ah, je tiens mon idée. Oui, et j'en suis content. Eh, Dieu, qu'avais-je donc pensé? Ah, je me retrouve, c'est cela. Je vais voir en descendant de voiture un échafaud, une foule, un panier, quatre hommes qui me saisiront. L'un des quatre sera le bourreau. En principe, on devait être 5-6 personnes. Mais chaque exécution, il y avait une trentaine de personnes. C'était le beau-frère du procureur, le... Vous voyez, c'est tout le monde. Vous voulez voir? Vous voulez voir? Oui, ah, vous voulez voir. Comme des... On avait demandé une augmentation au procureur. C'était Mouchant. C'était très gentil, ce procureur. Il dit que M. Messoni demander trop de salaire, ça passe pas. De trop demander d'un coup, de demander 60%, 100%, doubler les. Il me dit, regardez, j'ai plus de 300 demandes sur mon bureau. Les Français demandent des gendarmes, des militaires, des fonctionnaires qui veulent le faire. Ils veulent être exécuteurs gratuitement, sans être payés. Ah. C'est incroyable. On a fait belle mine de demander une augmentation et les gens veulent faire ça gratuitement. C'est une fonction, en fait. On ne payait pas d'impôts. Ouais. Une charge, bon, c'est pour ça que c'est ça charge. Ouais, une charge. Le père en fils, on ne payait pas d'impôts, on ne payait pas de dire on va à la retraite à 60 ans. Le perroquet qui était exécuteur à 84 ans. Mais là, il a arrêté parce que ça dépassait, il perdait un peu la tête. Vous êtes capable de dire. Il voulait, non, il voulait monter la guillotine dans une pente. Il a fait faire casser les. Il y avait une porte de prison. Il a demandé au directeur que pour rentrer à la corbe, on ne pouvait pas la rentrer normalement. On pouvait la rentrer, comme ça. Oui. Mais il a voulu que les adjoints soient de chaque côté et tout. Donc, elle doit s'être portée comme ça, avec un adjoint de chaque côté. Mais si on ne peut plus pas rentrer dans un passage de 1m40. Bon, il a fait casser. La porte. Le directeur de la prison était. Il n'en pouvait plus. Qu'est-ce qui arrive? Mon père était embêté. Il fallait la porter, il voulait aller aux toilettes. Mon père l'accompagnait avec deux adjoints. C'était incroyable. Et c'est là qu'il a. Il a au lieu d'appuyer d'abord la demi-lunette, oui, il appuyait le couperet en tombant à accrocher la demi-lunette, ça fait un bruit effroyable, ça fait un patin, ça freinait et la tête est coupée à moitié. Ah. Alors, pensez bien que on a remonté et le procureur... Mais le condamné était mort. Ils ont donné un secours, ils l'ont mis à la retraite d'office. Mais techniquement, comment c'est l'appareil, là, la guillotine? Je crois qu'elle est démontée au départ. Hein. Enfin, à Paris, je crois qu'elle était... Non, là, elle a été au temps de Roque dans son garage, parce qu'elle n'est pas obligée de rester là, comme on parlait de la santé. Mon père aurait pu la prendre et la mettre dans son garage. Ça lui appartient. Ça appartient à l'État. Mais il aurait pu... Mon père, j'ai pris la lame de guillotine, j'ai affûté moi-même au grand vin des grands ateliers. J'ai affûté moi-même la lame. On allait faire réparer une pièce, mais mon père a voulu la transformer. Et les ingénieurs, ils ont mis des ingénieurs pour voir, vérifier, que ce soit exactement comme d'époque. La guillotine en bois, les jumelles en bois et tout. Mon père voulait la faire plus courte et métallique pour le transport. Dans la fonction d'exécuteur, il y a également la conservation et l'entretien de la machine. Oui. Oui, c'est l'outil de fonction. Oui, voilà. Mais il a la charge, effectivement, de l'amener... Et le Perroc avait la guillotine dans son garage. Puis après, mon père, on n'est pas là, venir... Donc, c'est une exécution, venir la chercher, avec un fourgon de police, ramener... ouais. Alors, on a demandé un garage dans la cour d'honneur de Barberousse, la prison d'Alger, et était là, reposé. J'allais tous les mois vérifier... Et là, elle était montée devant le greffe, la cour d'honneur, l'entrée. Il y avait une plateforme. Parce que dans toutes les prisons, en France, une exécution, on a fait une plateforme, vous voyez, de niveau. Parce que du temps où on faisait hors des prisons avant 1939, il fallait mettre niveau, donc il faisait à 4h du matin, la veille, vous voyez, avec des torches et tout, il fallait que ça mette niveau. Donc là... quand les condamnés sont rentrés dans les cellules, à 7h du soir, comme ça, on montait la guillotine. Algérie, on montait Constantine le soir. Comme ça, elle était prête pour le matin. Ensuite, il y a un cordon de police qui ceinture la guillotine et personne ne touche et tout. Le condamné ne sait pas que le jour. Non. On l'annonce, le recours rejeté. Le seul procureur qui lui dit « Votre recours en grâce est rejeté. » Vous avez du courage. Alors certains ont du courage, s'attendent à ça, d'autres se débattent. Le moyen de conserver son énergie à l'instant de cette horrible mise en scène. Mais cet homme a tranché la tête de Louis XVI, de Marie-Antoinette, de la Gironde entière. Il a tué Vergniaud, il a tué Charlotte Corday, Madame Roland. Et façon par... l'exécration et le repentir, le souvenir de mon ignoble existence et du sang que j'ai versé. Je suis un condamné politique. Qui me démentira? Je ne l'aurais dit à personne. C'est un compromis entre ce qui reste en moi d'idéaliste et la peur physique qui me tord les muscles et me presse les entrailles. Je rattache le débris de mon existence à une généreuse querelle. Je meurs pour un principe. Que cette idée se maintienne nette et entière de l'escalier à la lucarne. Je ferai bonne contenance. Je mourrai tranquille. Oui, un indigène, il voulait prendre le café. Et en principe, on redonne le café au directeur, fait le café, cigarette. Il amène. Mon père, il dit mon père, on m'a pas fait de café, comment il faudrait vite faire le café, on retarde l'exécution. Alors mon père, il dit ça fait rien. On veut dire qu'il boira le café après. On va pas retarder l'exécution maintenant. Alors il amène, il sort du greffe, il donne une cigarette, et puis il descend les deux marches, il tombe de suite la cour d'honneur à droite, en sortant du greffe à Alger. Il y a la guillotine sur une plateforme. Il voit, il se ressaisit, il voit mon père, il dit « Hi, mec, c'est ça le café que tu demandes bon matin ?» Mais il faut quand même la forme d'esprit, avoir ce courage, parce qu'il faut se mettre aussi dans la peau du gars. Comme Petiot, quand il a sa pantoufle, il échappe, et puis, pardon, il veut enfiler sa pantoufle à 2 mètres de l'échafaud. Il y a des gars qui ont... C'est pour ça que, des fois, on dit, tel type, mettons, genre, Messrine, les grandes crapules, ce type-là, les gardiens ont peur, il va se comporter, il va peut-être massacrer un type, tuer un type. Personne ne peut savoir la réaction de l'être humain. J'ai vu des gars, des brutes épaisses, qui ont, ils se sont fait dessus, ils se sont débattus, ont pleuré, ont chialé. Et des gars, on les prendrait pour eux, pour les homosexuels, des faibles, un courage incroyable, demandent à écrire, ils sont devant la C'est pour ça que personne ne peut savoir, personne, même entre nous, peut savoir, à 10 minutes avant de mourir, notre réaction. On ne peut pas savoir. La voiture s'arrête. Horreur. Où suis-je? Voyons, du courage. Qui suis-je pour ce peuple? Lassner? L'infâme Lassner? Ah, le couteau. Comment? Est-ce que cette planche va basculer? Ah, quel bruit sur ma tête! C'est la lucarne qui se ferme. Miséricorde! Un ressort crie. Oh, mon Dieu! Un jour, je tombe sur un condamné qui l'avait fait. Alors, le gardien a été voir sa femme. C'était un ragoût de mouton. Il a mangé pendant 20 minutes. Il a voulu manger. Mais sinon... quand il est au greffe, qu'il est entravé, il sort du greffe, j'ai les archives. C'est les magistrats qui ont... l'exécution a duré 30 secondes, 20 secondes. C'est très très rapide. Certains veulent un verre de rhum, les musulmans ne veulent pas de rhum, ils veulent des fois un verre d'eau, ils veulent fumer, mais des fois, j'ai eu des. La cigarette était à même pas à moitié, mon père on basculait. Une fois, j'ai vu la tête sauter avec la cigarette. Non, c'est. Où j'étais émotionné, c'est que la première fois, quand vous entendez crier, et d'un coup, ce déclic, et couper la voix comme ça. J'avoue que j'avais 16 ans, j'étais à 2 mètres, ça impressionne. Ça c'est, faut avouer, ça impressionne. Mais après, quand on pense, je pense aux victimes, je pense aux parents, des victimes, des gamins qui ont été violés, et éventrés, alors... j'exécute, je pense pas à l'être humain. Pour moi, c'est pas un être humain. Pour moi, les criminels, je ne me suis jamais posé la question, surtout. Bien sûr que j'avais un doute, comme l'affaire de Dieu, vous voyez. Mais là, je suis sûr, tous les gars ont avoué, et vraiment, il y a des preuves. Il y a des cas, quand même, où vous avez douté Non, enfin, aucune. Pas douté, mais... Aucune. Vous n'avez jamais trouvé que c'était excessif? Ah, vraiment, si... il y avait un doute, ça m'a embarrassé, ça m'embêterait, ça. J'avais le moindre doute. Mais là, malgré que ce soit... après tout, c'est le procureur qui a condamné. C'est les jurés. C'est comme un fonctionnaire. Mais là, ça me marquait. Malgré que je fais cette fonction, ça me... Mais là, aucun doute. Les hommes courageux comparés aux lions. Leurs cheveux ne sont ni droits ni crépus et avancent en pointe au-dessus du nez. Ils sont ordinairement blonds. Leurs sourcils sont arqués et s'élèvent souvent. Président n'aura pas voulu signer ma grosse. sans doute que ça y aura des plus, que je me la cause. Si l'on grassillait à chaque coup, ça serait trop chouette. Dans un temps faux, qu'on coupe un coup à la requête. Leur menton est pointu, leur cou fort, leur dos large et robuste. Là-haut, soleil blanchit les cieux, la nuit s'achève. Ils vont arriver, ces messieurs, là le jour qui se lève. Maintenant, j'entends distinctement le vent de guette qui chante du l'air de l'enterrement à la requête. Leurs mains grandes et nerveuses sont de couleur tannée. Leurs yeux sont brillants et leur regard est souvent oblique. Tout ça, vois-tu, ça ne me fait rien, qui me paralyse. Dès qu'il faut qu'on coupe avant le bien, je colle de ma chemise. En pensant qu'on froid des ciseaux à la toilette. J'ai peur d'avoir froid dans les os à la requête. Quelquefois aussi, on leur voit des yeux ardents, marqués de sang ou très bleus et humides. Aussi, on va dire pour marcher, tant que ça m'émeuve, c'est pour moi que je voudrais plancher devant la veuve. Je veux pas qu'on dise que j'ai eu le trac de la lunette. Avant, j'étais remué dans le sac à la requête. Les hommes virils. Ils ont les sourcils tout tortus, les omoplates larges et distantes l'une de l'autre, les os des hanches ressortant, le menton carré, les clavicules un peu resserrées, la barbe épaisse. Il y a des gens que la barbe arrange bien. La barbe est souvent photogénique. La femme barbue participe en quelque chose de la virilité. Oui, ça dépend de la barbe, mais aussi il y a mille façons d'organiser une barbe. Bah, la barbe, c'est une façon de montrer quelque chose, mais c'est aussi une façon de cacher autre chose. Souvent, les gens qui ont peu de menton, qui vont mettre une barbe pour cacher leur manque de personnalité. Ça arrive aussi, ça. Mais du même coup, c'est révélateur. C'est pour qu'ils veulent avoir l'air volontaire, qu'ils le sont peut-être finalement, mais qu'ils déplorent de ne pas en avoir l'air. Tout dépend quel a été le moment choisi pour porter cette barbe. À quelle occasion ? Landru, Henri Désiré, criminel français né en 1869. Cet homme distingué et plein d'esprit fut accusé de 11 assassinats, 10 contre des femmes, 1 contre un jeune garçon, guillotiné le 23 février 1922. Le gros problème avec Landru, c'est qu'on ne voit pas le bas du visage, hein, qui est caché par la barbe. Il a les yeux très enfoncés. Très enfoncés. Il a des sourcils très étonnants, hein, des sourcils très très fournis. Ouais, il a un beau front, un front d'homme bien organisé, qui est intelligent, qui aurait certainement pu faire des études supérieures, qui aurait pu. Je pense qu'il y a, de ce que l'on peut voir de lui, hein, je ne vois qu'une partie, il est vraiment d'une intelligence supérieure à la moyenne. Aucun animal dépourvu de raison n'a une aussi grande quantité de cervelle que l'homme. En réunissant même la cervelle de deux bœufs d'une grandeur excessive, on n'aurait pas encore autant de cervelle qu'il y en a dans la tête d'un seul homme, quelque petit qu'il soit. Les grosses oranges à écorce épaisse ont le moins de chair et de jus. Les têtes grosses et les plus chargées de chair et d'os sont les plus pauvres en cervelle. Une masse de chair et de graisse gêne les opérations de l'esprit. Aristote croit que les plus petites têtes sont les plus sensées. J'appelle cela parler en l'air, sauf tout le respect que je dois à ce grand homme. De grosses têtes avec des fronts courts et triangulaires sont bornées, il est vrai. Celles dont le crâne est surchargé de chair et de graisse le sont également. Mais aussi les petites têtes de cette espèce, surtout les rondes, sont d'une stupidité insupportable. Et ce qui les rend plus insupportables encore, c'est leur prétention à l'esprit. Il est bon qu'un petit corps soit accompagné d'une tête un peu plus grosse en proportion et un grand corps d'une tête un peu plus petite. J'ai les lunettes. J'ai une question. Un gardien, vous voulez... Un adjoint. Vous la prendre ? Non, je dis, je veux garder. J'ai souvenir. J'ai enlevé les lunettes. Est-ce que l'exécuteur avait le droit de garder des morceaux ? Je prenais le droit. Souvenir comme ça. Je prenais le droit. Hein. Est-ce que l'exécuteur, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est le titre de la fonction ? Oui. L'exécuteur. Les arrêts criminels. Alors, le chef s'appelle exécuteur, en chef des arrêts criminels. Et les autres sont exécuteurs de première classe, de deuxième classe. Ce sont des aides. Oui. Vous-même, vous avez commencé comme aide ? Oui. C'est ça. Et donc, j'ai une aide. Il y a une carrière. Oui. Premier adjoint. C'est moi qui tenais la tête du condamné. Chaque adjoint a une fonction particulière. Une fois ou deux, j'exécutais pour voir l'effet que ça pouvait faire. Ah. Voilà, c'est tout. Oui. Mon père est libre. Hein. Est-ce que l'exécuteur connaît bien la personne là, qui... Non, pas. Oui, au temps de. Avant le terrorisme, vous voyez. On étudiait. Mais après, il y en avait tellement. C'était la chaîne. Bon, il y en avait tellement. Dans une prison, en principe, en France, il n'y en avait qu'une. Alors, j'ai fait un condamné, deux condamnés à mort. Il y en avait 300 après, pendant les événements. Alors, pensez bien qu'on ne peut pas étudier. Alors, à mon avis, ils en prenaient. C'est comme la Révolution. Il mettait F foutu autant de. Hein, alors, hop. Oui, mais est-ce que l'exécuteur connaît le condamné ? Non. Est-ce qu'il a envie de le connaître ? Est-ce qu'il étudie son cas ? Non. À part quand il y a des cas. Quand tu as vu Madame Mouton, oui, mon père était curieux de voir comment une femme, c'est une belle femme de 30 ans, 32 ans, qu'est-ce qu'elle a pu faire ? C'est une femme de gendarme qui a empoisonné 11 personnes. C'était. Alors il a demandé. Avec des bergers, de l'avoir. Alors que le directeur, ils ont été dans la cellule, ils ont dit, Madeleine, on va refaire la peinture, tu as changé de cellule pour voir, il faut semblant de mesurer la cellule. C'est la première fois que mon père exécutait une femme. Il dit, c'est drôle ce qu'elle avait fait, parce qu'on s'imagine un monstre, et puis finalement, c'était une femme comme une autre, une très belle femme. Ordinaire. Oui. Un peu... Rouquine un peu, une très belle femme de 30 ans. Alors, je pense que beaucoup sont graciés, les femmes, parce que le comportement est très rare qu'une femme se comporte. Elle s'est mise à hurler, à demander à ses enfants, à donner les pommes. Le docteur est venu, en fait une piqûre. Alors, elle est chancrée, les seins à l'air. La jupe, mon père essaie de mettre une épingle à nourrice pour tenir la jupe. Ça devait être assez terrible, un peu pour ça. C'est comme exactement Montfaucon. Il pendait pas les femmes parce que c'était elles se débattaient en jupe et tout. Et c'était. En général, pour ne rien dire que ce qui est connu de tout le monde, les femmes sont infiniment plus pures, plus délicates, plus fines, plus irritables, plus sensibles, plus faciles à former et à conduire, plus faites pour souffrir que les hommes. Elles ont les nerfs tellement irritables et l'esprit si peu fait pour penser, pour raisonner, pour discerner, elles sont si facilement entraînées par le torrent du sentiment qu'une fois tournées vers l'enthousiasme, elles deviennent aisément fanatiques, et fanatiques à tel point que rien ne saurait les ramener. L'homme savoure du regard un ciel sombre et chargé d'orage. Son âme est pleine de joie et d'élévation quand le tonnerre gronde et que les nuages majestueux versent sur sa tête des torrents de pluie. La femme, au contraire, tremble à l'aspect de l'éclair et à l'approche de la foudre. Elle se replie en frissonnant sur elle-même ou se cache dans les bras de l'homme. Dans l'arc-en-ciel, où l'homme ne voit qu'un rayon de soleil, la femme contemple avec ravissement le jeu des sept couleurs. La femme est le levain de l'homme. Elle est l'huile ajoutée au vinaigre de la virilité. La femme est la seconde page de la feuille de l'humanité. Des gandins en police, des foules de luxe aux diams éblouissants. Regarde grouiller tout autour de la veuve, marloutes, rouffions, ficards, opérateurs. Mais seule tremblante dans sa robe la plus neuve, une môme chiale à vous déchirer le cœur. Cette môme, c'est Nini qui vient voir son homme. Son poisse, dont des blaires, va trancher la pomme. Quand d'une caserne on ne voit pas, le clairon sonne tout là-bas. Là-haut, dans le ciel, la blafarde, tête coupée, roule cognarde, tandis qu'en bas, Nini farouche a l'air d'appeler sur sa bouche. Pour en garder le goût toujours, la dernière goulée d'amour. C'est tellement rapide quand on voit une tête éjectée que... Mais la tête, elle saute. La tête était... Je ne peux pas la tenir. Elle me glissait des mains. Pourtant, une tête, elle fait 4-5 kilos quand même. Elle me glissait des doigts. Elle me cramponnait, elle me glissait des doigts. Et celle que Hugo Houbrecht avait envoyée à mon père, elle me restait dans les mains. Mais il faut dire qu'il y a la lame et il y a le mouton qui dépasse de 5 cm. Un poète qui fait quand même 45 kilos, qui est boulonné avec la lame. Et la lame est faite par avant. Elle coupe la... Et le poids tombe. Donc si vous avez les doigts, ce qui est arrivé une fois à l'adjoint, les doigts sur la tête comme ça, vous risquez d'avoir les doigts éclatés, hein, écrasés. Parce que il faut être rapide, en même temps, tirer la tête. D'abord, vous pouvez plus vite. Parce que de suite après, je la dépose dans la corbeille, je remonte vite le poids, et les deux adjoints, les gens sont partis chercher le condamné. Oui. Puis j'ai pris le coup. J'ai pris le coup à la longue après. Il n'y a qu'une seule fois, c'était à Constantine. C'est des gars qui avaient égorgé et massacré, égorgé. Et donc il était quatre là. Trop, attendez. Quatre ils étaient. Et un s'est tellement débattu. Il s'est débattu comme un fauve. Il a mordu. Alors moi, j'étais en train d'attacher le gardien. Lui, j'ai un coup de poing. Il m'a effleuré la joue. S'il m'attrape, il m'arrache la mâchoire. Le type, on ne pouvait plus comme une boule de fromage. La tête rouge. Des coups, il se débattait, un fauve. Un chat enragé. Et quand ils l'ont basculé, les deux adjoints, au lieu de le... Vous voyez, quand il est la tête coupée, le pousser par le torse, ils l'ont poussé par les pieds. Alors, il est tombé assis dans la corbeille. Et vous avez quand même... c'est suivant, j'ai vu que quand le condamné a vraiment peur, il a la poitrine, vous voyez, il a le cœur bat à 120, vous voyez, pulsation. Et c'est comme une pompe. La tête coupée, il y avait comme deux demi-verres d'eau, partie des artères, qui partent à 3-4 mètres. Puis après, c'est des petits jets de 15 cm. Et là, en tombant, assis, j'ai un jet qui est tombé, qui a fait un jet sur la tête. Alors, il y avait... Je m'appelle, c'était un colonel de la place. Il y avait un colonel, deux colonels qui étaient à 2 mètres à ma gauche. Et puis, il y avait tous les... Il y avait garde mobile. Et à Constantine, il dit, bon, armes, présenter armes, bon, puis après repos. Les militaires, là. Et de voir, moi j'avais une tête à la main, Et me voir le visage, parce que j'ai eu après la glace, j'ai me laver, plein de sang contre la commission des lèvres et tout, le sang comme ça. Deux militaires, fusils, pam pam par terre. Trouvé mal. De garde mobile. C'est drôle, de garde mobile qui se trouve mal. Et les deux militaires à ma gauche étaient. Et c'est bien sûr, ça impressionne, parce que voir un gars déjà, la première fois, ça m'a émotionné. Alors de voir comme c'est un gars qui a une tête, du sang sur le visage. Et depuis, les parachutistes m'avaient donné une tenue de combat, et j'avais une casquette. Après, oui, justement, on voit les photos, les exécuteurs avaient un vêtement particulier. Bon, alors écoutez, voilà. Je veux dire ça. Avant 39, oui, c'est vrai. Mon père avait une Rene souliers vernis. Noir, des pantalons noirs, redingotes et chapeau melon. C'était exact. Et puis après, pendant la guerre, et on ne trouvait plus les redingotes, on ne trouvait plus. Alors mon père a demandé, on s'est mis en bleu, oui, de travail, tout en ayant la cravate noire. Et puis finalement, les adjoints. Mon père, il a tout le temps conservé ça. Il avait une blouse, il avait donc la cravate noire et chemise blanche. Moi, je venais en pull, avec la tenue de para. Puis il y avait une casquette pour pas avoir la. C'est pour se protéger. Pour protéger, c'est tout. Voilà. Parce que c'est la seule fois. J'ai dit aux deux aides, on me pousse par le torse. Et j'ai un adjoint, il me dit oui, mais il ferme les yeux. Un adjoint. C'est lui qui m'a dit on peut pas voir ça. À chaque fois, une exécution, il ferme les yeux, il voulait pas boire. À la seconde même. Donc il a poussé par les pieds au lieu de pousser par le. Surtout l'adjoint de gauche, il a poussé, oui. Il tombe de la corbeille. La nuit fout le camp, les étoiles se débinent, le sang a giglé, le bonhomme a payé. Un aide lui jette un seau d'eau sur la gouine, puis le fourgon phare vers Ivry, ça y est. Chez le bistrot, maintenant des gaz en côte, des turbineurs parlent entre eux de jurons. Mais dans son coin, la nini qui grelotte, mande au patron un saladier de 20 chevaux. Elle boit, autour d'elle, tout danse, tout bouge. Elle boit, et soudain, elle voit dans le vin rouge une tête cravatée de sang pendant que le clairon glapissant. Là-haut, dans le ciel, la blafarde, tête coupée, rôle camarde. Nini les petites tubantes, qu'est-ce qu'elle tient, rigole et passante, sans songer qu'à ce dernier jour, son cœur vient de mourir. Ah. Petiot Marcel, médecin français, 1897-1946, accusé d'avoir commis 27 meurtres entre 1942 et 1944, il en revendiqua plus de 60 lors de son procès. Il fit preuve d'un grand sang-froid en montant à l'échafaud. « Ça va pas être beau, » dit-il avant de basculer sous le couperet. Petiot, lui, par contre, est un exemple de personne perverse, c'est-à-dire qui s'est servi de ses atouts et d'une grande intelligence pour systématiquement planifier du crime. Les fous méchants comparés aux ours. Ils ont les cheveux roides, quoique Polémon n'en parle point. La tête dure et pointue, Adamantius dit, étroite et aiguë. Les oreilles de grandeur excessive et un peu lâches. La nuque ou le chignon et le cou même ronds. Les talons aigus, le front dur et roide, les yeux voilés, petits, secs, concaves, mouillés, le regard fixe. Les joues étroites et longues, le menton long, et je pense qu'il faudrait dire petit par similitude avec le serpent. Là, vous avez l'alliance à la fois d'un homme extrêmement intelligent, très très volontaire, très et en même temps extrêmement amer. Hein. Il y a, Il y a un contraste, vous voyez, au niveau de la bouche, hein, entre cette bouche extrêmement tenue, fermée. La bouche babillarde, longue, ouverte, de sorte qu'il semble que le visage soit fendu en deux parties. Le corps un peu courbé, le ventre grand, le bras gros, les extrémités des pieds et des mains, Paul et Mondi, les jointures longues, fournies et dures. La couleur pâle, de sorte qu'il semble atteint de sommeil ou d'ivresse. Le son de voix bêlant, petit, désagréable et sauvage. C'était au Bardo. Ils avaient amené, il y avait 17 condamnés. Donc, ils devaient être pendus. Alors, ils sont tous sur l'estrade. Et puis, le représentant du B, avec les assesseurs, ils discutent. J'en pense, vous voyez. Et c'est là qu'il gracie ou non. Alors, le gracie, le type, il le détache, qu'il descend. Et l'autre à côté, il attend. Hop, il dit, hop, dans le vide. Eh bien, les gars, là, c'est impressionnant, la mise en scène. Les types sont venus, ils avaient la jaunisse, ceux qui étaient graciés. Ils ont pu manger pendant une semaine. Parce que là, c'est une peur. Vous voyez? C'est que les guillotines n'avaient pas le temps d'avoir peur. Non, ils l'ont jamais vu. Ils passent au greffe, ils ne la voyaient pas, c'est comme s'il y a derrière. Hein. Ils font 5 pas, on les apporte presque. Hein. Bascule, ça y est. Vraiment, quand je suis là, je vois le regard, ils ont ça. C'est centième seconde. Hein. Quand ils basculent, j'avance les bras pour lui tenir la tête. Et bien, quand il y a déjà des fois 3-4 corps dans la corbeille. Il a un regard, les yeux sur la tête. Hein, là. Le gars, je crois, même si on l'est taché, il n'y aurait pas la force de courir. Là, ça dure une seconde, 2 secondes. Les morts que j'ai vus m'ont tous ensemble donné lieu à cette observation qu'à peu près 16, 18 ou 24 heures après leur mort, ils étaient d'un dessin plus beau qu'ils n'en eurent jamais de leur vie. D'un dessin bien plus précis, plus proportionné, plus symétrique, plus homogène, plus noble, que dis-je, plus sublime. N'y aurait-il pas, me disais-je alors, une physionomie fondamentale commune à tous les hommes ? Physionomie troublée, emportée par le flux et le reflux des événements et des passions, mais qui peu à peu se rétablit par le repos de la mort, comme l'eau troublée redevient limpide lorsqu'elle reste sans être remuée. Et quand vous avez dans la corbeille 5 corps et 5 têtes, comment mettre cette tête avec ce corps? C'est un problème, moi je ne me rappelle plus. Et c'est le gardien, on a affaire au gardien qui dit « Ah non, lui, c'est là, c'est un tel petit gros là. » Mais sinon, on mettrait la tête d'un à l'autre. Ça c'est... Il y a sûrement des erreurs qui ont été faites. Moi, peut-être. Qu'est-ce qu'on faisait des corps? Comment? Des corps, moi une fois ou deux, c'est Foissin qui était venu, le docteur Foissin, pour l'opération de la cornée, une dame, une vieille, je m'appelle. Alors, la tête est coupée, je la tenais sur un tabouret, là. Et puis, il a enlevé les yeux, là. Il l'a mis dans un bocal, mais c'était rapide. Hein. Il a enlevé les deux yeux, là, dans le bocal. Parti, c'était. Avec les yeux, tac, tac, de couper les optiques. En général, c'était la fosse commune, on le rendait la famille. Non, on n'est pas la famille, non. Il mettait au cimetière et c'était. Il n'y a même pas de croix, c'était un numéro d'écrou. Numéro. Et après, bien sûr, la famille demandait le corps. Certains, mais beaucoup, allaient à la. Allaient à l'hôpital. Et en France, comment ça se passe? C'était, le corps était donné, il travaillait dessus. C'était. Mais en principe, la famille, à 80%, 90%, la famille ne demandait pas le corps. Une fois votre travail fait, vous n'accompagniez pas plus non. Loin non. Oui, quelquefois, c'était des anecdotes. Mon père avait oublié. Attends, tu as le corps qui coupe la tête tombe dans la bassine, le corps tombe dans le panier. La tête est moins animée. On la met dans le panier, mais après vous devez récupérer le panier. Qu'est-ce que vous en faites? Alors on a envoyé la corbeille au cimetière. Bon, et cimetière, ils prennent des terrains les moins chers, et cimetière, là, c'était en pente. En plus, c'était un cimetière, c'était, je m'appelle en pente comme ça. Alors la nuit, c'était plein de droits, un terroriste, c'était autant de droits communs. On l'amène là-bas, et puis ils n'ont pas voulu toucher le corps. On fait venir des condamnés pour apporter. Ils sont blancs, ils ont. Ça les travaille, hein. Et ils mettent Il renverse la corbeille dans la fosse, parce qu'il n'y a pas de cercueil. Pour les Arabes, ils mettent un drap, c'est tout. Hein. Ce n'est pas dans un cercueil. Mais en renversant la corbeille, la tête, j'ai des gars qui ont une tête en forme de citron, d'autres en melon. Et elle s'est mise à rouler, elle était ronde. Maintenant, on rit, mais elle est partie en travers les tombes, et je ne la voyais plus, il a fallu une torche, la chercher. Enfin, déjà qu'elle est par le sang, elle était noirâtre. Et on l'a recherchée entre 4-5 tombes, on l'a ramenée. Heureusement que vous l'avez retrouvée. On l'a retrouvée, on l'a fait toucher. Bon, puis une autre fois, c'est que mon père avait oublié les menottes. Il voulait récupérer les menottes. Alors, on a vite été en voiture. Mais sinon, après, mon père, pour pas saler la corbeille, hein, il faisait faire par les prisonniers de la menuiserie de la prison des pièces cercueils. Et tu en petite planchette, là, ordinaire. Et comme ça, on ne saisissait pas la corbeille. Chez quelques mourants qui, dans leur vie, n'avaient eu rien moins qu'un caractère noble, grand ou sublime, j'ai remarqué, à quelques heures, chez quelques-uns, à peu de moments avant leur mort, l'un d'eux était en délire, j'ai remarqué, dis-je, un ennoblissement inexprimable de leur physionomie. L'homme était tout changé. Cou, teint, grâce, contour, tout était nouveau. Tout nous offrait un aspect d'aurore, de ciel, d'une noblesse, d'une grandeur indicible. Le moins attentif était forcé de faire attention, le moins sensible de sentir. C'est l'image de Dieu que j'ai vu briller sous les débris de la pourriture, et je me retournais, me tue et adorais. Oui, tu existes, magnificence de Dieu, tu existes même dans les hommes les plus faibles, les plus corrompus. Comment est-ce que vous le décririez? D'abord la forme du visage, la forme générale, il faut que... C'est ça, à part un robot, on commence par décrire la forme générale du visage. À part un robot, je fais un visage à peu près de trois quarts, tu vois, et à peu près normalement constitué, c'est-à-dire une hauteur de yeux, une forme de sourcils normaux. Allongé. Voilà, avec un énorme... Il a un visage très allongé. Hein, Ovale. Un ovale allongé. Justement, il a des caractères. Comment vous voyez de face, là ou de face? Oui, de trois quarts. Très bien, moi, je viens de faire un truc de trois quarts aussi, là, vous voyez. Bon, alors, mais il a un visage allongé. Un ovale très, très allongé. Est-ce que son nez est en proportion de la longueur de son visage? C'est-à-dire que son nez est assez grand. Alors, il est relativement grand, mais court dans l'étage. C'est-à-dire que la lèvre supérieure est très haute. Sous son nez, hein, donc le filtrum. Quoi. Et le nez vous paraît normal, il n'est pas trop long. Oui, mais comme c'est un étage qui est très long, c'est quand même un grand nez. Ah, ben voilà, d'accord, oui. C'est quand même un grand nez. Il a des formes de lèvres dessinées ou assez droites, La lèvre inférieure assez pulpeuse et la lèvre supérieure complètement mangée. Il y a un nez qui est bien projeté. Ah bon, d'accord. Qui est bien projeté. Entre le nez, la racine du nez et le menton. Il a un angle mandibulaire très allongé. Oui. Oui, mais c'est ce que j'avais esquissé, là, un petit peu. Là, par contre, la lèvre supérieure est très mangée, très reculée en arrière. Oui, Les narines sont très oblongues, très, très collées. Ils peuvent se vanter d'avoir, hier soir, et deux heures durant, placé cruellement ma tête sous le boisseau. Les narines d'un... Les arcanes. Un phrénologiste, monsieur Dumoustier, m'a été amené et m'a modelé. Ma figure serait devenue pourpre s'il m'eût fallu avouer tout haut les sensations chaudes, tièdes et froides qui me couraient le long de la colonne vertébrale pendant la préparation de l'épreuve du moulage. Mais comme je sais garder la consigne que je me suis donnée, rien n'a paru. Les pommettes sont pas saillantes, oui, mais tout est creusé, les joues sont creuses. Tout est creusé. Creux, ouais. Les réels apprêts pour l'échafaud jusqu'à me raser les cheveux, le froid du rasoir sur la nuque m'a fait courir un million de fourmis aux pattes froides sur la chair. Avec un peu plus d'humanité, ce médecin me tirait de peine et abrégeait la besogne des autres. Il est vrai que le plâtre ne m'aurait plus représenté que mort et qu'il faut au moins pour la curiosité de la science deux copies, une avant et l'autre après. Par contre, le menton est large par rapport à la mandibule. Hein. Large mais pas saillant. Ensuite, j'ai dû coucher sur mon lit, renverser ma tête dans un demi-cercle en cuivre qui m'a pris au cou, comme le fera la lucarne de la guillotine. J'ai compris tout cela. Des bosses sourcilières légères, un petit creux ensuite et des très grandes bosses imaginatives. Est venu le plâtre, Petit à petit, ma face s'est trouvée couverte. Pour conserver ma respiration, deux petits tubes. Alors sinon, il a des grandes oreilles. C'est en ce moment que j'ai apprécié ce que la pensée de l'homme peut franchir de murailles et d'espaces, peut enfanter des choses diverses avec la rapidité d'un éclair et d'un tourbillon fantasmagorie. Alors il est chauve. Chauve, oui. Chauve. Il est chauve. Oui. Avec il est absolument chauve. Non, non, il y a une couronne. J'avais les yeux fermés. Il y eut un instant où je voyais mille lumières, une immense clarté. On m'exécutait au flambeau. Et il y a une atonie aussi très forte du tout le pli nasogénien qui va vers le menton. Ah bon. Dans un autre instant, je plongeais dans un gouffre tout obscur, tout humide. Et ce diable de médecin qui me tourmentait la tête m'apparaissait comme l'exécuteur lui-même. Double menton un peu ou... Oui. Hein, J'attendais le coup. La fascination fut si forte que je voulus faire résistance. Je m'agitais afin de briser le masque de plâtre et de m'échapper de dessous. La certitude d'y réussir me causait la vive attente d'échapper au bourreau. Donc ici, ça devient plus comme ça, oui. Ouais. Non, c'est très très proche de lui. Il m'a fallu beaucoup de temps pour dessiner exactement le profil des têtes. J'ai scié des crânes de personnes récemment mortes afin de pouvoir déterminer la ligne du visage et l'angle que cette dernière fait avec l'horizon. Cela m'a conduit à la découverte du maximum et du minimum de cet angle. Je commençais à cet effet par un singe et m'élevais à travers tous les degrés intermédiaires, depuis le nègre, l'européen, etc., jusqu'aux figures des chefs-d'œuvre antiques, celles de Méduse, celles de l'Apollon et celles de la Vénus de Médicis. Mais cela se borne au profil. Il y a encore une autre diversité dans la largeur des joues que j'ai trouvé être surtout considérable chez les Kalmouks et bien moindre chez les nègres asiatiques. Les Chinois et les habitants des Moluques et d'autres îles de l'Asie me semblent avoir les joues larges, les mâchoires un peu ensaillies, la mâchoire inférieure surtout fort élevée et formant presque un angle droit, tandis que chez nous, elle forme un angle obtus et plus obtus encore chez les nègres de l'Afrique. Le médecin m'a crié « Patience, ce ne sera pas long, un peu de complaisance. » J'ai repris mon calme en me rendant compte. Le fils de M. Sanson ne parle jamais aux suppliciés. Il y a tout le temps 34 personnes en exécution. Il doit y avoir le procureur, le commissaire de police. Oui, j'ai tout le temps vu, vient l'arrondissement avec ceinture, avec son écharpe. L'avocat, l'homme de religion, c'est un mufti de rabbin ou du curé. Le médecin. C'est tout. Pourquoi le médecin, que fait-il? Ah, parce que le médecin doit... si le condamné tombe dans les pommes, le ranimer. Il doit constater, il ne doit pas mourir avant. C'est comme ça, Madeleine Mouton, elle s'est trouvée mal, ils l'ont fait, une piqûre. Ils l'ont ramenée, et c'est là qu'elle a crié, mes enfants, puis elle a basculé. Le condamné doit être conscient, donc. Oui, conscient de la mort. Mais... Toutes exécutions ne sont pas faites exactement. Un parricide, normalement, on l'amène, la loi, on l'amène dans la guillotine. Il a un drap blanc sur les épaules, il a un bandeau noir. Et le procureur doit lui dire, vous avez commis l'acte le plus abominable d'avoir tué votre père ou votre mère, d'avoir la tête tranchée. On le tourne, on le bascule. Bon, finalement... Le procureur va dans la cellule, on lui dit qu'il est condamné à mort, sans que vous pouvez rejeter. On amène une greffe, et c'est là, bon, mon père, c'est assez tif. C'était un arabe qui avait tué son père. Bon, il était condamné à mort. Et lui, là, c'était autant de Gaulle, il voulait voir de Gaulle, il voulait être pendu, il voulait être fusillé. Parce qu'un arabe, il a quand même tête tranchée. Allah, le monte au ciel par les cheveux, s'il n'y a plus de corps. Hein. C'est un peu la religion, c'est pour ça que dans les pays musulmans, ils sont pendus. Voilà, voilà la complainte de Lassner. Accourez tous, chrétiens et bonnes dames. Venez aussi, méchants petits moutards. Oui, venez tous, pour le bien de vos âmes, de notre sang repaître vos regards. Que notre supplice vous convertisse, petits enfants qui volaient du nanan. Flans, tartelettes, bonbons, galettes sont bien amers en un pareil moment. Le peuple demande du sang. Et je me demande des fois si c'est bien moi l'exécuteur, le bourreau, si c'est tous les gens qui m'entourent. Tout môme encore, et malgré porte close, je dérobais biscuits et masse-pain. Et bien souvent, j'avais encore la chose de tortiller tout mon fricot sans pain. Un jour funeste, pris par ma veste, comme un pierrot, je reste au trébuchet. On me corrige, ah que ne puis-je en être quitte aujourd'hui pour le fouet. Devenu grand, de la jeune nanette, comme un larron, je dérobais la fleur. Et sans pitié, je laissais la pauvrette pleurer, crier, mais non pas au voleur. Pauvre affligé, tu fus vengé. 8 jours après, à mon tour je gémis, à d'autres belles, aussi cruelles, je rendis bien ce que je t'avais pris. Plus tard enfin, voleur, escroc, faussaire, tous les forfaits ne me coûtent plus rien. Pour débuter, on chipe une misère, et pour finir, on devient assassin. Petit mioche, en vos bamboches, n'oubliez pas ce précepte moral. Dans son ménage, faut être sage, sans vouloir faire en tout temps carnaval. Tremble et frémis, ô peuple débonnaire, je suis un monstre, un tigre, un léopard. Au même instant, et le fils et la mère tombent frappés sous le même poignard. Mon cœur s'afflige, mon sang se fige, lorsque je pense à ce tableau si noir. Ô peine amère, pour m'en distraire, je m'en fus au théâtre le même soir. Mais il est temps de finir cette histoire, car la meilleure a toujours une fin. Charlot m'attend, il est pressé de boire. Je suis sensible à la soif du prochain. Dans la lunette, je mets la tête, que de façon pour me couper le cou. Allons donc, zeste, sois leste et preste. Surtout, mon gros, ne manque pas ton coup. Lavez-vous près d'une prison, dans un hangar sombre demeure. Elle ne sort de sa maison que lorsqu'il faut qu'un bandit meure. Dans sa voiture de gala qu'accompagne la populace, elle se rend non loin de là et triste descend sur la place. Avec des airs d'enterrement, qu'il gèle, qu'il fende ou qu'il pleuve, elle s'habille lentement, la veuve. Les témoins, le prêtre, la loi, voyez, tout est prêt pour la noce. Chaque objet trouve son emploi. Le fourgon noir, c'est le carrosse. Tous les accessoires y sont, les 2 chevaux pour le voyage, et le grand panier plein de son, la corbeille de mariage. Alors tendant ses longs bras rouges, Bichoni ayant fait peau neuve, elle attend son nouvel époux, la veuve. venir le prétendu sous le porche de la roquette, appelant le mal attendu, la veuve s'offre à lui coquette, tandis que la foule autour d'eux regarde frissonnant et pâle, dans un accouplement hideux, l'homme craché son dernier râle. Car ses amants, claquant du bec, tués dès la première épreuve, ne couchent qu'une fois avec la veuve. Tranquille, sous l'œil des badauds, comme en son boudoir une fille, la veuve se lave à grande eau, se dévête et se démaquille. Impassible, au milieu des cris, elle retourne dans son bouge. De ses innombrables maris, elle porte le deuil en rouge. Sa voiture se hissant, goule horrible que l'homme abreuve. Elle rentre cuver son sang, la veuve. J'étais avec un ami qui avait une 202. Enfin, c'est grande manivelle, c'est cette voiture. Il tourne la manivelle, elle y échappe la manivelle. Vous voyez des mains? Il se fiche un coup sur le front. Vous voyez? Et sur le front, sur 2-3 cm, et ça saigne, au crâne. Hein. Alors, de suite, j'étais en voiture, j'amène, je m'appelle, c'était au mois de novembre-décembre, j'amène au champ de manœuvre, c'était le docteur Champion. On monte étage, et puis il est assis sur un tabouret, on lui met quelques agrafes. Putain, j'étais à côté. Et d'un coup, je me suis senti mal. Des sueurs. J'avais mal à l'estomac. Je tombais dans les pommes. Incroyable. Dans le couloir, il y avait des tableaux de peinture. Je me dispersais l'esprit à regarder les tableaux de peinture pour oublier de voir un copain qui souffrait. Alors que, j'expliquais à un médecin, j'ai tenu la tête d'un condamné, on a enlevé, c'est le docteur Foissin, qui a enlevé les yeux pour faire une opération de cornée. Je me lavais les mains et tout. Pour moi, je dis, c'est pour ça qu'on parle de l'innocent et tout, je suis très sensible, et je saute. Hein. J'adore les animaux. Oui. J'ai des gaz en Algérie, j'ai fait voir des photos, des chevaux, j'ai des ranchs et tout. J'adore tous les animaux. Je les caresse. Mais une vermine, j'écrase. Je n'ai pas caressé un pou ou une punaise. Le singe passe pour l'animal le plus rapproché de l'homme. Et il y a en effet une classe d'hommes qui, surtout dans les yeux, tiennent beaucoup du singe. Le crâne du bœuf exprime patience, résistance, lourdeur et appétit grossier. Un homme avec le profil du front et du nez d'un lion ne serait certainement pas un homme ordinaire, quoique je n'ai pas encore vu de profil d'homme aussi droit. Wedmann Eugène, séducteur allemand né en 1908. Accusé de 6 assassinats, il fut guillotiné le 17 juin 1939. On a dit de lui qu'ayant vécu comme un monstre, il mourut comme un saint. Wedmann vous est apparu dans une édition de 5 heures. La tête emmaillotée de bandelettes blanches, religieuse, et encore aviateur blessé, tombé dans les seigles, un jour de septembre, pareil à celui où fut connu le nom de Notre-Dame-des-Fleurs. Son beau visage multiplié par les machines s'abattit sur Paris et sur la France, au plus profond des villages perdus, dans les châteaux et les chaumières, révélant aux bourgeois attristés que leur vie quotidienne est frôlée d'assassins enchanteurs, élevés sournoisement jusqu'à leur sommeil qu'ils vont traverser par quelque escalier d'office qui, complice pour eux, n'a pas grincé. Sous son image, éclataient d'horreur ses crimes. Meurtre 1, meurtre 2, meurtre 3, et jusqu'à 6, disait sa gloire secrète et préparait sa gloire future. Donc, Bedman, voilà des photos de Bedman, jeune homme. Il y a peu de photos souriantes de grands assassins. Oui. En revanche, Bedman, voilà une photo avec son avocate. Il a un sourire. Ah, ce qui est intéressant chez lui, c'est justement un côté très féminin chez un homme. Et cela donne aussi toujours le mélange entre un côté viril et des éléments féminins, un côté très séducteur. Pilorge, Maurice. Ce soldat tua son amant, Escudero, pour lui voler un peu moins de 1000 francs. Condamné à mort pour assassinat, on lui coupa la tête pour l'anniversaire de ses 20 ans. Avant de basculer dans la lunette, il esquissa un pied de nez au bourreau. Le vent qui roule un cœur sur le pavé des cours. Un ange qui sanglote accroché dans un arbre. La colonne d'azur qu'entortille le marbre font ouvrir dans ma nuit des portes de secours. Un pauvre oiseau qui meurt et le goût de la cendre. Le souvenir d'un œil endormi sur le mur. Et ce point douloureux qui menace l'azur font au creux de ma main ton visage descendre. Ce visage plus dur et plus léger qu'un masque est plus lourd à ma main qu'au doigt du receleur le joyau qui l'empoche. Il est noyé de pleurs. Il est sombre et féroce. Un bouquet vert le casque. Ton visage est sévère. Il est d'un pâtre grec. Il reste frémissant au creux de mes mains closes. Ta bouche est d'une morte, où tes yeux sont des roses, et ton nez d'un archange est peut-être le bec. Le gel étincelant d'une pudeur méchante qui poudrait tes cheveux de clairs astres d'acier, qui couronnait ton front d'épines du rosier, quel haut mal l'a fondu, si ton visage chante. Dis-moi quel malheur fou fait éclater ton œil d'un désespoir si haut que la douleur farouche, affolée, en personne, orne ta ronde bouche, malgré tes pleurs glacés, d'un sourire de deuil. Ne chante pas ce soir les costauds de la lune. Gamin d'or, sois plutôt princesse d'une tour, rêvant mélancolique à notre pauvre amour. Ou sois le mousse blond qui veille à la grande une. Il descend vers le soir pour chanter sur le pont, parmi les matelots à genoux et nu-tête, l'Ave Marie Stella. Chaque marin tient près de sa verge qui bondit dans sa main de fripon. Et c'est pourtant manché, beau mousse d'aventure, qu'ils bandent sous leur froc les matelots musclés. Mon amour, voleras-tu les clés qui m'ouvriront le ciel où tremble la mature, d'où tu sèmes royal les blancs enchantements, ces neiges sur mon page, en ma prison muette. L'épouvante, les morts dans les fleurs de violette, la mort avec ses coques, ses fantômes d'amants. Sur ses pieds de velours passe un garde qui rôde. Repose en mes yeux le souvenir de toi. Il se peut qu'on s'évade en passant par le toit. On dit que la Guyane est une terre chaude. Oh, la douceur du bagne impossible et lointain. Oh, le ciel de la belle, oh, la mer et les palmes. Les matins transparents, les soirs fous, les nuits calmes. Oh, les cheveux tondus et les peaux de satin. Rêvons ensemble, amour, à quelque dur amant, grand comme l'univers, mais le corps taché d'ombre. Il nous bouclera nus dans ses auberges sombres, entre ses cuisses d'or, sur son ventre fumant, un mac éblouissant taillé dans un archange, bandant sur les bouquets d'œillets et de jasmin que porteront tremblant tes lumineuses mains sur son auguste flanc que ton baiser dérange. Tristesse dans ma bouche. Amertume gonflant, gonflant mon pauvre cœur. Mes amours parfumés, adieu, vont s'en aller. Adieu, couille aimée. Oh, sur ma voix coupée, adieu, chibre insolent. Gamin, ne chantez pas. Posez votre air d'apache. Soyez la jeune fille au pur cours, adieu. Ou si tu n'as de peur, l'enfant mélodieux mort en moi bien avant que me tranche l'âge. Enfant d'honneur si beau, couronné de lilas, penche-toi sur mon lit, laisse ma queue qui monte frapper ta joue dorée, Écoute, il te raconte. Ton amant, l'assassin. Sa geste en mille éclats. Il chante qu'il avait ton corps et ton visage. Ton cœur que n'ouvriront jamais les éperons d'un cavalier massif. Avoir tes genoux ronds, ton cou frais, ta main douce, ô môme. Avoir ton âge. Voler. Voler ton ciel éclaboussé de sang et faire un seul chef-d'œuvre avec les morts cueillis, ça et là dans les prés, les haies, mort éblouie de préparer sa mort, son ciel adolescent. Les matins solennels, le rhum, la cigarette, les ombres du tabac, du bagne et des marins visitent ma cellule où me roulent et m'étreint le spectre d'un tueur à la lourde braguette. La chanson qui traverse un monde ténébreux, c'est le cri d'un marlou porté par ta musique, c'est le chant d'un pendu raidi comme une trique, c'est l'appel enchanté d'un voleur amoureux. Un dormeur de 16 ans appelle des bouées que nul marin ne lance au dormeur affolé. Un enfant reste droit contre le mur collé, un autre dort bouclé dans ses jambes nouées. J'ai tué pour les yeux bleus d'un bel indifférent qui jamais ne comprit mon amour contenu dans sa gondole noire, une amante inconnue, belle comme un navire, et morte en m'adorant. Toi, quand tu seras prêt en armes pour le crime, masqué de cruauté, casqué de cheveux blonds, sur la cadence folle et brève des violons, égorge une heure entière en amour pour ta frime. Apparaître sur terre un chevalier de fer, impassible et cruel, visible malgré l'heure, dans le geste imprécis d'une vieille qui pleure. Ne tremble pas surtout devant son regard clair. Rocher de granit noir sur le tapis de laine, une main sur sa hanche écoute le marché. Marche vers le soleil de ton corps sans péché et t'allonge tranquille au bord de sa fontaine. Chaque fête du sang délègue un beau garçon pour soutenir l'enfant dans sa première épreuve. Apaise ta frayeur et ton angoisse neuve. Suce mon membre dur comme on suce un glaçon. Mordis tendrement le paf qui bat ta joue. Baise ma queue enflée, enfonce dans ton cou le paquet de ma bite affalée d'un seul coup. Étrangle-moi d'amour, dégorge et fais ta moue. Adore à deux genoux comme un poteau sacré mon torse tatoué, adore jusqu'aux larmes mon sexe qui seront te frappe mieux qu'une arme, adore mon bâton qui va te pénétrer, il bondit sur tes yeux, il enfile ton âme, penche un peu la tête et le vois se dresser. L'apercevant si noble et si propre au baiser, tu t'inclines très bas en lui disant « Madame, madame, écoutez-moi. Madame, on meurt ici. Le manoir est hanté. La prison vole et tremble. Au secours, nous bougeons. Emportez-nous ensemble dans votre chambre au ciel, dame de la merci. Appelez le soleil qu'il vienne et me console. Étranglez tous ces coqs. Endormez le bourreau. Le jour sourit mauvais derrière mon carreau. La prison pour mourir. C'est une fade école. Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou, que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col, sans que ton cœur s'émeuve, laisse tes dents poser leur sourire de loup. Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou, que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'espace. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir. Ni les fleurs soupirer et des prés l'herbe noire. accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh viens mon ciel de rose, oh ma corbeille blonde. Visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalades mort. Mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, viens sur ma bouche, amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs, descends, marche léger. Vole dans l'escalier, plus souple qu'un berger. Plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. On traverse les murs, s'il le faut, marche au bord des toits. Des océans, couvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière. Mais viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort. Quelles seraient, disons, les qualités, au fond, d'un exécuteur, du parfait exécuteur? Quel type d'homme ça doit être? Honnête, qui ait du cœur, ne pas le, parce que du cœur, oui, c'est-à-dire oui, du cœur. Je veux dire que pas dans l'esprit de l'exécuteur qui était à Nantes et lui il aurait abattu n'importe qui. Oui, non, d'être humain, de pas torturer un gars pour rien, de oui, de l'amener, on va pas retarder une exécution pour faire pour moralement, oui. Mais c'est quand même drôle. Mon père, on m'a fait une prise de sang une fois, j'étais gosse, et ben il était pâle et après se trouvait mal. C'est un mystère. Si un exécuteur, il ne parle pas. On dit c'est un homme, qu'est-ce qu'il a? Il est sans pitié, il tuerait père et mère. Et les gens, vous voyez, alors que c'est faux. Ils sont tous pères de famille. Mon père aime jouer au boulet, concours, c'est le plus grand farceur. Et moi, j'aime faire des farces. J'étais à Tahiti, j'ai fait des coups incroyables. J'aime rigoler. On a une vie tout à fait comme n'importe. Mon père, c'était comme le situer. La rigolade, le pince sans rire. Un jour, on est sur la route. Mais il nous prenait, non. Même les adjoints, on était pris au piège. Il va, on arrive dans un petit village, et en Algérie, je sais pas, en France, pas la même chose, mais eux, il y a un parti à côté, la place du village, la mairie et l'église. Et ça se multiplie par, s'il y a 100 villages, 100 villages. On s'arrête, parce qu'il y a GMAP, on est en Tunisie. On va au bar. Alors on boit un coup, et mon père, il prend un crayon. Il prend un... Comment faire? Alors, le cirque, c'est le cirque Antonio. Vous voyez le cirque Antonio? Alors, les gens tirent. Il y avait 4-5 clients de choses. C'est le cirque Antonio. Mon père, c'était le producteur, voilà, le cirque. Et voilà qu'au bout de... Il est sur la place. Alors, il y a deux après-midi, il n'y a pas un chat, pas une mouche. Et d'un coup, il y a 500 personnes autour. Il faisait des pas, une croix. Des pas, une croix. Alors, tous les gens, qu'est-ce que c'est? Le garçon appelle qui arrive, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Et mon père dit, c'est le cirque, les fauves arrivent, les cages de lions, tout ça. Alors mon père, il dit, l'embauche. Alors, Justin, prends un crayon, alors. Tout le monde voulait travailler. Alors, des salaires, à l'époque, 1 million, presque, à la journée, pour donner à manger aux fauves, aux tigres. Tout le monde donnait à manger aux tigres. Et puis, il voulait sauter dans une cage de tigre pour gagner de l'argent. On pensait, malheureux. Et il prenait, non. Et tous les types comme ça. Là, à la fin, il voit il fait semblant pas, fait un peu sordide. Parce qu'il voit un gars qui a un pilon, vous voyez, un vieux. Il dit, il n'y a plus de boulot, qu'est-ce qu'on lui donne comme boulot? Ben, Justin, donne-lui une échelle, il mettra des ampoules. Et là, il dit, oui, je vais mettre des ampoules. Vous pensez qu'un pilon, montez. On arrive dans le bar. C'est que la femme, elle croyait que c'était le cirque. Le gars champêtre, il me dit, le maire m'a pas averti. Mais il va vous avertir, le maire. Ça y est. Demain, on monte des chapiteaux. Tout le monde dans le bar, une révolution. Mais nous, on l'a fait dans la rigolade. Mais c'est qu'après, on a mangé, on a bu. Elle ne voulait pas qu'on paye. Ils nous attendent toujours le Sir Antonio, en patelin. Et bien comme ça, ça s'est multiplié de... C'est ça, retourner exécuter des gens. C'est bien guillotine. C'est fameux quand même. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'une des autres qualités alors, de l'exécuteur, c'est, disons, un peu d'humour? Ah oui, oui, alors là. Oui. Mon père avait plein d'humour. Ah oui, c'est rigolade. Les gens venaient au bar, au restaurant, pour rigoler. Mais en dehors du service? Ah oui, mais... Parce que... Dans le service, non, le service, c'est le matin. Bien sûr. C'est le matin. Entre 2h du matin, on est à la prison, la police venait nous chercher, mon père m'était réveillé, on allait, et mon père, il tardait de finir. On démontait vite, un coup de jet d'eau, une demi-heure, tout est fini. Mais là, est-ce qu'il y avait matière à des plaisanteries? Ah non, non, non. Jamais? Ah non, jamais. Jamais là-dedans, ah non, non, non. Moi, j'ai voulu prendre des photos, j'ai voulu faire des films, et mon père n'a pas voulu. Non, non, non, c'est pas... Il m'a dit, c'est pas... Tu crois pas, c'est pas de cinéaste ici, hein. C'est pas... Je ne pouvais pas, moi... Et parce que j'aurais pu m'engueuler devant les magistrats. Je dis, non, on ne fait pas ça. Alors moi, j'ai perdu la tête, là. Hein. Mais on peut le dire, je suis un pince sans rire. Je prends la vie du bon côté. Hein. Mais qu'une fois qu'il m'a engueulé, c'est que, comme ils sont plusieurs, j'ai tenu le gars la tête. Hein. Et pour aller plus vite, j'ai jeté la corbeille. Qui a 1m50, mais une tête qui fait 5 kilos. Ça fait un bruit énorme. De la tôle. Alors, mon père me dit, oh, tu te crois que tu joues au basket? Tu ne veux pas porter une tête? Qu'est-ce que tu jettes comme ça, 1m50? Le procureur, déjà, presque, il tombe dans des pommes. Non, c'est... Alors, j'ai porté la tête. Je lui dis, mais il est mort. Oui, mais il n'est pas question qu'il est mort. Tu la poses, tu la jettes, la tête. C'est tout. Ah, ce monsieur, c'est lui. Quelle épouvantable affinité s'établit entre cet être-là et moi. Je me suis souvent fait cette question qui me paraissait oiseuse. À qui ai-je adressé ma première parole en naissant? À qui adresserai-je mon dernier mot en mourant? Cette dernière partie de la question est répondue par la présence de cet homme. C'est lui qui surprendra mon dernier sentiment. Je veux le regarder bien en face, afin de me familiariser avec lui, et que sa main, lorsqu'il me touchera, ne me fasse pas bondir comme sous le fer rouge ou sous la griffe du tigre. Lassner, Pierre-François, écrivain français né en 1800. Accusé de 2 assassinats et d'une tentative d'assassinat, il fut exécuté le 9 janvier 1836. Même en face d'une de mes victimes, j'ai toujours eu des idées riantes, déclara-t-il lors de son procès. Lassner est d'une taille au-dessous de la moyenne. Son torse est mal posé, mal sculpté. Ses bras sont mal attachés. Il y a de la décrépitude dans la forme et le jeu de sa membrure inférieure. Sa colonne vertébrale semble fléchir et le force à cette attitude pliée qui révèle le coup de barre du vice. En tout cas, là, d'après le dessin que vous avez de Lassner, rien ne permet de dire qu'il y avait c'est un homme, au contraire, qui a l'air même assez contrôlé, assez équilibré. Il y a un côté très séducteur. Hein, le contour de son visage est brusquement déprimé vers le menton qui est petit et fendu. La chair en est colorée, au ton bilieux, elle est jaspée de larges taches blanches, livides et jaunâtres, selon les influences hygiéniques ou morales. Les pommettes sont saillantes. Sur les marches de l'échafaud, elles seront pourprées, aussi bien que le tour des yeux par l'injection des filets sanguins. Dans la lunette... Pègre, craqueur, qui voulait tous du fade, prêtez les gourdes à mon dur boniment. Vous commencez par tirer en valade, puis au grand truc, vous marchez en taflant. Le pente à boule, on perd la boule, puis de la tôle, on se crampe en rompant. On vous roussine, et puis la tine vient remoucher la botte en rigolant. Traduction à l'usage des gens illettrés. Voleurs, poltrons, qui voulez tous part au butin, prêtez l'oreille à mes dernières paroles. Pour commencer, vous fouillez dans les poches. Puis, quand vous vous mêlez de tirer, vous tremblez. La victime arrive, on perd la tête, et on se sauve de la maison tant qu'on peut. On vous dénonce, et puis le peuple vient vous voir guillotiner en riant. Nostalgique, ben. Non, on peut pas dire nostalgique de la de couper de. Mais tu aurais bien continué l'exécution. Non, nostalgique parce que c'est une époque que j'avais des très bons amis. On allait en déplacement. Le commissaire de police nous emmenait avec la voiture de la police, nous emmenait voir les mines de Timgad. Bon, j'ai fait que des voyages, des amis, des hôtels, des gueuletons à droite à gauche. C'est ce souvenir qui mais c'est pas d'exécuter des gars. Ça vous moi, même si demain après-demain, on me demanderait, ça me dit rien d'aller en France, d'exécuteur. Mais est-ce qu'il pouvait y avoir quelque c'est chose d'excitant? C'est pas le salaire. Non plus, c'est pas le salaire. Est-ce qu'il pouvait y avoir quelque chose d'excitant dans cette fonction? Ah, le gars qui aime le sang. Ah oui. Vous l'avez vu? Comment? Est-ce qu'il y avait des gens qui aimaient plus le sang que d'autres parmi les aides, par exemple? Dans les aides? Oui. Non, non. Non, pas tellement ça. Les aides ont demandé avant l'exécution d'être aide avec mon père, parce que ça leur donnait un port d'armes, ça leur donnait... ils avaient, mettons, mon père avait un restaurant, un bar, la police venait, le commissaire de police d'époque venait dans le bar, on avait... le bar devait fermer à minuit, mon père, il faisait un bal sans même autorisation. La police, personne n'inquiétait. On faisait un bal. La cour, il fait le bal. C'est lui le premier qui a fait le bal après la guerre. C'était avant 45. Les Américains venaient danser et tout. Sans autorisation. Personne n'a ennuyé. C'est impossible maintenant. C'est la valse des beaux gosses de gros biscottos qui tous les soirs nous aident dansent avec leur gigolette. Coupant leur marche sur les pieds, ou alors ils sont sans pitié, soit ils dansent entre poteaux, la valse des costauds. Ils sont si beaux et si costauds que les femmes chics viennent en auto pour admirer leur structure et leur argot signature. Elles offriraient tous leurs bijoux pour avoir un joli voyou. Mais comme elles sont par trop mochardes, y en a pas un seul qui les regarde. C'est la valse des costauds, des beaux gosses aux gros biscottos qui tous les soirs aux musettes dansent avec leurs gigolettes, coupant leur marche sur les pieds, ou alors ils sont sans pitié, quand ils dansent entre poteaux, la valse des costauds. Pour cette valse sensation, afin de donner de l'émotion, on éteint toutes les lumières, alors parler d'une affaire. Y en a qui vont au renseignement et qui ne s'en font pas et comment. Les yeux chavirés, ils fredonnent ce refrain qu'ils ont à la bonne. C'est la valse des costauds, des beaux gosses aux gros biscottos qui tous les soirs musettent dansent avec leurs gigolettes. font pas leur marche sur les pieds, ou alors ils sont sans pitié. Quand ils ont un creux photo, la valse des costauds. Samson, Charles Henry, dit le grand Samson, exécuteur français né en 1739 et mort en 1806. Cet homme consciencieux exécuta Louis XVI à contre-cœur. Debler, Anatole, exécuteur français né en 1863. Il participa à 450 exécutions en 53 ans et mourut lui-même d'une crise cardiaque dans un escalier de métro. Debler était donc exécuteur le plus célèbre des exécuteurs français après Samson. Il était nommé adjoint à Alger en mars 85, puis est devenu adjoint à Paris en novembre 90, et puis il était exécuteur en chef entre le 1er janvier 1899 et le moment de sa mort, je crois, dans les années 1936 ou 38. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'exécuteur qui a participé à toutes les grandes exécutions du début du siècle, en passant par les Ravachol, Casario... On a parlé davantage à Debler parce que Degas... Landru, etc. Ça dépend des journalistes. Et à l'époque, Debler, exécuteur. Debler, c'est vrai. C'était, comme quand vous parlez à Petiot, il y a eu des crimes beaucoup plus que Petiot, mais Petiot, c'est très connu après la guerre. Là, ça a marqué davantage l'opinion publique. Alors on parle d'un truc, Landru, Petiot, voilà. Mais il y a eu des... Il y a combien d'exécutions en tout? Eh bien, si on se reporte au dernier carnet... Moi, j'ai fait 200 exécutions, mais là... Il m'a dépassé. Je pense, oui, bien entendu. Mais moi, pour battre, si on veut un record, il faut monter la révolution. Ah oui, c'est énorme. 30 dans un mois, il n'a pas eu, jamais. Par exemple, on en prend un au hasard, on a le petit carnet, par exemple, exécution 1928 à 1932. On voit, par exemple, qu'il en est, on a la dernière exécution, la Mulhouse, le 12 janvier 1932. Il en est à sa 344e participation à une exécution et la 248e exécution en tant qu'exécuteur en chef. Oui, moi j'avais fait 200. Ouais, je suis loin d'elle. Alors c'est amusant, par exemple, vous prenez le petit carnet exécution 1921-1925. Vous prenez, par exemple, en février 1922, et que lit-on, donc de la main de Debler lui-même, exécuté à Versailles, le 25 février 1922, samedi, temps clair, 6h10. Le nommé Landru, Henri Désiré, âgé de 53 ans, etc. Et vous avez toute la liste des crimes qu'a commis Landru, etc., ce qui s'est passé. Mais, en principe, à part Debler, je ne pense pas qu'il était... c'était par famille. Vous voyez ? Les cousins. Exécuteurs de... Parce qu'ils demandaient eux-mêmes, être exécuteurs. Sinon, c'est comme ça que les bergers étaient apparentés à Roc. Et que Roc... D'après un des bergers, il serait sous François Ier, exécuteur, en Alsace. Et j'ai des archives de berger, il est exécuteur en 1720. Et il était parenté avec le Samson. Une berger a épousé un Samson. Et moi, directement, non, c'est par mon parrain qui est Roc, le dernier Roc. Et moi, j'ai vu, c'est drôle, j'avais 12 ans comme ça, on me dit, regarde, la guillotine, la lame, là, qui a fait Marie-Antoinette et Louis XVI. Et moi, j'ai dit, oh, ça, c'était un peu fasciné, vous voyez, mais c'est... Et il avait dans une boîte des cheveux. Et j'ai vu une archive, un parchemin, signé, moi je crois que c'était de Louis XV, c'est Louis XVI, signé du roi lui-même, nomination. Donc après, dans les archives, un des frères Gros Paris, exécuteur en chef, il disait, mon frère possède. Ah. Eh bien, il est mort. Il s'est parti, je ne sais plus, en poussière, tout en Algérie. Qui a dit, où c'est maintenant ça? Hugues Victor, ancien négociant à Port-au-Prince, disciple de Robespierre, qui l'adule, ancien accusateur public à Rochefort. Il apporta au Nouveau Monde la première guillotine. Cette nuit, j'ai vu se dresser à nouveau la machine. C'était à la proue, comme une porte ouverte sur le vaste ciel, qui déjà nous apportait des odeurs de terre, par-dessus un océan si calme, si maître de son rythme, que le vaisseau légèrement conduit semblait s'engourdir dans son rhumbe, suspendu entre un hier et un demain qui se fussent déplacés en même temps que nous. Temps immobile, entre l'étoile polaire, la grande ours et la croix du sud. J'ignore, car ce n'est pas mon métier de le savoir, si telles étaient les constellations, si nombreuses, que leur sommet et leur feu de position sidérale se confondaient, s'inversaient, mêlant leurs allégories, dans la clarté d'une pleine lune pâlie par la blancheur si prodigieuse, si bien recouvrée en 7 secondes du chemin de Saint-Jacques. Mais la porte sans battant était dressée à la proue, réduite au linteau et au jambage, avec son équerre, son demi-fronton inversé, son noir triangle au biseau acéré et froid, suspendu au montant. L'armature était là, nue et lisse, à nouveau suspendue sur le sommeil des hommes, comme une présence, un avertissement qui nous concernait tous également. Nous l'avions laissée à la poupe, très loin dans ses bises d'avril, et voici qu'elle ressurgissait devant nous, sur la proue même, tel un guide, semblable par la nécessaire exactitude de ses parallèles, son implacable géométrie, à un gigantesque instrument de navigation. Elle n'était plus accompagnée d'étendards, de tambours, ni de foule. Elle ne connaissait ni l'émotion, ni la colère, ni les pleurs, ni l'ivresse de ceux qui là-bas l'entouraient d'un cœur de tragédie antique, avec le grincement des charrettes à l'endroit vers le même but et le roulement cadencé des tambours. Ici, la porte était seule, face à la nuit. Au-dessus du mascaron tutélaire, éclairé par les reflets de son tranchant en diagonale, avec le bâti en bois qui devenait l'encadrement d'un panorama d'astres. Les vagues se pressaient, s'écartaient pour frôler les flancs du vaisseau. Elles se refermaient derrière nous dans une rumeur si continue, si cadencée, que leur présence devenait semblable au silence que l'homme tient pour du silence quand il n'écoute pas des mots pareils aux siens. Silence vivant, palpitant et mesuré, qui n'était pas pour l'instant celui des pâles suppliciés. Quand le tranchant en diagonale fut tombé avec la brusquerie d'un coup de sifflet, et que le linteau eut apparu vraiment comme un couronnement de porte au-dessus des jambages, l'investi de pouvoir, dont la main avait actionné le mécanisme, murmura entre ses dents « Il faut la mettre à l'abri du salpêtre. » Et il coiffa la porte d'une grande housse de toile goudronnée. Bonjour. La peine de mort est abolie en France. Robert Badinter a gagné la première partie de son combat. Son projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale par 363 voix contre 117. 18 septembre 1981. Qu'est-ce que l'abolition, sinon le refus de la violence mortelle? Mortelle de l'État, mais alors encore beaucoup plus de la violence mortelle de l'individu. Au cœur de l'abolition, il y a ce refus de la violence et de la mort. Robert Badinter. ACR, Atelier de création radiophonique. La tête dans la lunette. Par Serge Sanchez, René Farabet. Avec Fernand Messonnier, ancien exécuteur des hautes œuvres, et Carline Binet, Henri Bouilly, Angelo Di Marco, Louis Monnier, Thierry Chaillot, François Foucard. Texte, Alejo Carpentier, Genet, Jouandeau, Lavater, Lassner. Avec Pierre Clémenti, Jean-Pierre Calfon, Jean Lescaut, Jean-Pierre Sentier. Bruant, Damia, Fréhel.